t'ai rencontré le long du Bosphore. Tu m'as enflammé comme un bout de phosphore. Avec tes grands yeux de braise ardente, ton corps enivrant, ta marche ondulante. Je t'ai accosté, toi tu m'as souri. Je t'ai proposé, prenant un raki. Sortant de la foule quittant Istanbul, tu parus troublé en disant ceci: Ali, Ali, Ali. Alla benzion, entrar ici, alla benzion, chef talisi, alla benzion, chef talisi, alla benzion. Yeah.